manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et rigfm.fr. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 576e émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, donc, et avec pour thème ce soir, un petit best-of, les duos impossibles. Alors, qui dit best-of dit aussi en même temps, dans un best-of, des fois, il y a toujours un titre inédit. Et bien là, il y en aura deux ou trois titres inédits. Un titre inédit que j'ai diffusé aujourd'hui sur Facebook, sur la page Johnny de A à Z, le duo Junaïdé et avec le groupe Vixen, avec la musique de Vixen sur Le Survivant, You Have to Know By Now. On écoutera ça au cours de cette soirée. Et puis il y aura plein d'autres, donc duos virtuels et aussi des parties aussi où Junaïdé chante seul, mais avec la musique d'un autre interprète. Voilà, ça c'est déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait écouter. Et puis donc, un duo impossible, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, je prends soit la partie musicale de Johnny, soit la partie musicale de notre interprète, et ben, on va mixer les deux voix, la voix de Johnny et celle de l'autre interprète sur la même musique, et ça donne un duo virtuel qui en principe, vu que c'est un petit best-of, ils sont assez bien faits. c'est les meilleurs, on va dire, hein. Ça porte bien son nom, un best-of, n'est-ce pas? Le premier titre que je vous propose d'écouter cette soirée, c'était un titre de Paul Brady, qui avait fait cette chanson-là. Cette chanson est extraite de son album Trick or Treat en 1991, et Johnny avait repris ce titre-là sur l'album Rough Town. Est-ce que vous voyez de quel titre je parle? Non, c'est le titre Can't Stop Wanting You. Voici tout de suite, c'est parti sur l'antenne de RIG, Johnny de A à Z pendant 2 heures. Bonne soirée et bonne écoute à toutes et à tous. Yeah. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Seger dans l'émission Johnny de A à Z. C'était la chanson Still the Same, autrement dit toujours le même, par Johnny Hallyday en 1981 sur l'album Pas Facile de 1981. Et puis la chanson Still the Same de Bob Seger et figure sur l'album Stranger in Town en 1978. On retrouvera un titre de Bob Seger, ce sera tout à fait à la fin de l'émission des duos impossibles numéro 3. Le titre suivant, ce sera un titre que Johnny Hallyday va interpréter tout seul, mais sur la musique de Elvis Presley, sur la

Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs ou sinon le I Betcha You Gonna Like It, la première version sur une ressemblance d'accord de Lucille de Little Richard par Jeff Stewart, et la seconde version vient du killer Mr. Jerry Lewis en novembre 1967, version plus boogie sur son album Soul My Way. Et c'est cette dernière qui inspira cette adaptation de Pierre Billon sur l'album Drôle de métier de Johnny Hallyday en 1984. Et le prochain titre est un titre de Robert Palmer, le titre s'intitule You're Gonna Get What's Coming, et Johnny l'interprétera sur l'album Hollywood en 1979 sous le titre Comme un voleur. C'est érigé, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, dans cette émission à thème, je vous propose des duos impossibles, un petit best-of des duos impossibles que je vous ai diffusé déjà l'an dernier et il y a 2 ans de ça. Et tout récent, le dernier duo, adaptation de Johnny Hallyday que j'ai faite date d'une semaine et je vous l'ai affiché aujourd'hui sur Facebook sur le nom de Johnny Hallyday Vixen, le survivant. On va écouter donc cette nouvelle version-là, Johnny Hallyday en live avec la voix, sa voix du Palais des Sports 1982 et la partie musicale studio de Vixen, et on retrouve sur cette chanson-là sur leur album Life Fire. Et voici le titre Le Survivant, ou autrement dit l'adaptation de You Oughta Know By Now. Give or take déchiré, bloqué entre les doigts de l'éclair. J'ai brisé, arraché, la pluie d'acier planté dans ma chair. J'ai traversé le feu de l'apocalypse et du néant. La tête sur mes pieds, je suis encore vivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Je suis prêt à vivre et tu es mon survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Étranglé, étouffé par les larmes froides de l'asphyxie. Oui, j'ai vécu sans amour, caché dans les bras de la folie. Poursuivi par la mort, entraînant le char des condamnés. Écrasant les corps de ceux qui sont tombés. C'est le survivant. C'est le survivant. Yeah, c'est le survivant. C'est le survivant. Je suis le survivant. Je suis prêt à vivre et tu es pour survivre. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. En cachant mon sang aux ombres affamées, je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis prêt à vivre et tu es pour survivre. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Le titre de Johnny Burnett, repris par Ringo Starr sur l'album Ringo 1973, et John Hayden a interprété ce titre-là en 1962 sur John Hayden American Rocking Hits. Le prochain titre est une chanson de John Hayden, il chantera seul, mais ça sera sur la musique d'une adaptation d'un de ses titres. Le titre Elle m'oublie, Didier Barbelivien l'avait repris à son compte, car c'est lui qui avait composé cette chanson-là. Et en 2001, il en a fait une version, et on va prendre la musique de la chanson acoustique de Didier Barbelivien et on va y mettre les paroles de Elle m'oublie de John Hayden en 1978. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à Dieu sait quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Et moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tordant les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Demain matin, bien sûr, elle arrive à Paris. Elle retrouve les rues, ses parents, ses amis. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Il y a un champ de blé affamé quelque part. Le tracteur est cassé, ça fait toute une histoire. Il faudrait bien penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Harder rock and roll, harder rock and roll is to beat. music, that hard rock music. They dug it with a lot of flash, but it's still that same old backbeat rhythm that really, really kicks them in the. You say the country rock and roll by Tuju, the please on, please fall into Honsu. Il te met le cœur au fond de la gorge. C'est un cri de détresse. Everywhere there's music, real life music. Bands with a million styles. Et des cordes de guitare comme les feux d'une star qui tirent les fils de ma marionnette. They say the hard rock and roll is too beaten. And from what I've seen, I believe them. Ils te mêlent le cœur au fond de la gorge. Y'a le cœur du rock and roll. Le cœur du rock and roll blanc. Rock'n'roll du groupe Huey Lewis and the News est extrait de leur album Sport en 1983 et Johnny l'a reprise en 1984 pour son show au Zénith de Paris sous le titre Le cœur du rock'n'roll. Titre suivant avec Tony Joe White, Do You Have a Garter Belt? Ou sinon ça veut dire As-tu un porte-jartel? As-tu un porte-jartel? Et sur l'album Dangerous sorti en 1983 et Johnny a repris ce titre là sur l'album Ça ne change pas un homme en 1991. Voici un duo impossible, Tony Joe White, Johnny Hallyday. Oh, on a déjà chanté des duos ensemble. Oh, ouais. Une journée pour trouver le temps trop long à chercher des clubs dans un vieux blouson. Oui, une journée pour se dire qu'on va pas. Soleil est un autre avenir. Un de blé pour le concert, plus de blé pour les fringues. Et dans le métro désert, quelque chose qui se déglingue. To put no heat on you, but I wonder if you feel the way I do. don't have to worry, cause it's alright. I can't keep, baby, but I know what I like. Do you have a garden? Would you wear stockings? If I call out for help, just keep on rocking. Ow, ow, ow, ow. If I call out for help, just keep on rocking. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. De l'ombre, où t'en vas-tu lorsque vient le jour? Ma mère m'avait dit, ne la suis pas, elle porte malheur. Mariah, princesse de la nuit. Viens-tu d'un rêve ou de ma folie? Deux oiseaux qui dansent, ce sont tes mains gantées de noir. Chanson du groupe Spooky Tooth avec les membres les plus connus de la planète Hallyday, Gary White et Mickey Jones, juste avant de fonder Foreigner, sur leur album de mai 1973, You Broke My Heart So I Bust Your Jaw, ça veut dire tu m'as brisé le cœur donc je te pète la mâchoire. Et Gary White, le compositeur et ayant collaboré plusieurs fois avec Johnny, lui proposa ce titre pour l'album Insolitude sorti en avril 73. Donc Johnny est bien le premier à chanter ce titre. Et on est parti sur la base musicale du groupe Spooky Tooth et j'avais même enlevé quelques morceaux morceaux de batterie qu'on entend la batterie uniquement sur les refrains. Et oui, c'est comme ça. J'aime bien m'amuser comme ça. Et puis même carrément, il y a une version drumless sans batterie avec le synthé, les guitares et tout ça. Mais c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. Le prochain titre qu'on va écouter, c'est une chanson de Kenny Rogers, extrait de l'album Gambler en 1978. I wish that I could hear that way again. Et on va retrouver John Hayden et Johnny en chantant en duo sur la base Johnny symphonique. Et on écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. I wish that I could hurt that way again. At least I had you every now and then. And in between the sorrow, at least there was tomorrow. And as long as there's tomorrow, there's no end. I wish that I could hurt that way again. Oh, j'aimerais qu'on puisse repartir à la guerre, même si je sais que chaque fois je la perds. Et quand tu me désertais, la solitude me tuait, plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. I'd love to hear you tell me you don't need me anymore. Just like you used to tell me every day. Ouais, j'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait. Et au moins mes yeux te verraient t'en aller. Oh, oh, I wish that I could hurt that way again. Comme du temps où de temps en temps t'étais là. In between the sorrow, at least there was tomorrow. Et au moins je savais t'étais pas bien loin. Oh, I wish that I could hurt that way. J'aimerais pouvoir encore souffrir demain. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Où est la liberté? Faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. Liberté, faut la rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Y a des prisons à ciel ouvert partout. Y a pas d'école pour apprendre à aimer. Y a des écoles pour apprendre à tuer la liberté, faut la payer. Et on enterre nos corps, le migrador. La liberté, faut la rêver. En contre-mène nos corps sous le migrador. Du fond du trou, on peut dire je t'aime. La chance ici s'appelle plus la veine. La veine ici, c'est bien fini. Le cœur se bat en bruit, c'est pas le verrou. Mais faut rêver quand on promène nos corps sous le migrador. Sous le mirador. Oui, la liberté, faut la payer. Quand on enterre nos corps sous le migrador. Sous le migrador. Sous le migrador. La version de Johnny Mirador date de 1989, album Cadillac sorti le 15 juin 89, et la version du fiston est sortie en 1990 sur l'album Rockin' Heart. Et justement, j'ai pris la musique de la version du fils, puisque c'était lui le compositeur, et on a mis la voix du père. Le prochain titre est le titre Un diable entouré d'anges, una serata como tante, un titre du Toto Cotugno de 1978, repris en 1980 par Johnny sur une adaptation de Georges Terme dans l'album À partir de maintenant. Les paroles françaises n'ont rien à voir avec la version originale et on part sur la base musicale de Toto Cotugno. Diable entouré d'anges, les femmes sont belles autour de moi. Et elles viennent avec leur visage d'ange, maudir le ciel entre mes bras. Presunzione e la certezza, tu le indossavi come virtù. Parlavi solo di te stessa, come se avessi qualcosa in più. Une patte se fila, une petite fille comme toi, ce n'est pas une femme. Di esperienze vissute pagate, di paure e di voglie sopite che ti porti dentro tu. Celle qui vient ici ce soir adoucir mon désespoir, tu n'es pas cette femme. Una donna con mille problemi, una donna coi suoi desideri e forse un'anima. Na na na na. Je vis comme un diable entouré d'anges et tu ne peux rien faire pour me changer. ma nel mio cuore sei scoppiata tu. Qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Hey, look at there, across the street. Attends un peu, à que je travaille. Quand je pourrais me la payer content. J'avais une fille, la belle fille à monter dedans. La capote est baissée, sans trop nous presser. À nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous payons pas, c'est dur en médicine. Y'a pas à dire ce gars-là, ah, il est terrible. Look at here, what's all this? Never thought I'd do this before. But here I am a-knocking on the door. My car's out front, and it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl and I'm a-thinking to myself. She's sure fine-looking, man. Wow, she's something else. Eddie Cochrane et Johnny Hallyday avec Something Else, elle est terrible. Eddie Cochrane en 1959, c'était une chanson qui avait été écrite par sa petite amie à l'époque et par son frère et puis Johnny Hallyday. Donc adaptation de ce titre-là en 1962. Le prochain titre est extrait de la comédie musicale L'Homme de la Mancha. La première performance live du titre La Quête, The Quest, The Impossible Dream si vous préférez, est délivrée par Richard Keeley en 1965 et on compte près de 300 reprises de ce titre, dont en français celle de Jacques Brel en décembre 68. Jacques Brel, ayant assisté à une représentation de la pièce américaine au Carnegie Hall, contacte des producteurs pour adapter la pièce en français, se réservant le rôle du Don Quichotte et le fameux titre The Impossible Dream, The Quest. On part sur la base musicale de Jacques Brel avec la voix de Johnny Hallyday au lors du Flashback Tour en 2006. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile, Télémaquette, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, cette année pour l'heure d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai son héros, mais mon cœur c'est tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux oh, brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, brûle même trop, même mal, pour atteindre, pour s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Je t'ai volé avant que tu ne m'oublies. Je voulais te dire merci. It was good to feel again the way I used to feel. Oh, you're coming back to me in a tender memory. N'attends pas de moi que j'implore, que je supplie. And you're still sweet the way you used to love me. Je veux simplement, oui simplement te dire merci. You fill my lonely night. I still dream you're holding me. Oh, I need you so. I can't let go. Pour ton cœur que j'ai aimé jusqu'à le tromper. Pour ton cœur que j'ai cassé, je voulais te dire merci. And you're still soft as a sign inside of me. Non, n'espère pas de moi les larmes du repentir. I never thought you'd be just a tender memory. No, I never thought you'd be. Oui, simplement te dire merci. Vous écoutez RIGE, l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, je vous propose d'écouter une autre séance de duo impossible. Entre autres, ce titre-là, Tender Memory, Merci, de Tom Jones. Tom Jones est un compositeur qui a déjà porté chance à Johnny. J'ai pleuré sur ma guitare, c'était de lui. Hein, vous savez, Loving Arms, c'est de lui, c'est de Tom Jones. Et évidemment, de cette chanson-là, Tender Memory, qui figure sur un simple de Tom Jones paru en 1975. Et la la version de Johnny apparaît sur l'album Dial Amour en 1976. À présent, on va écouter John Hayday et Buddy Holly sur le titre Raven. Raven est une chanson donc de Buddy Holly et de son groupe Les Crickets, initialement paru sur leur album Buddy Holly, sorti aux États-Unis en février 1968. Et la version de Johnny est sortie sur l'album La Terre Promise en 1975. Crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you, Raven. Ton lit est aussi chaud qu'un ciel d'été, ta peau dorée, un goût si sucré. C'est bon de vivre ensemble, toi et moi on se ressemble. Tu dis oui que tu m'aimes et c'est bon. Crazy feeling, and I know it's got me reeling. I'm so glad that you're revealing your love for me. C'est bon, oui pour ton amour, c'est bon. La nuit, le jour, c'est bon de t'aimer toujours, toujours. Wow. C'est la vie avec ses joies, ses folies. Je la prends comme elle vient, j'ai compris, c'est la vie. Tu t'en vas, surtout n'aie aucun remords, que j'ai eu raison ou tort, oublie, c'est la vie. Oh, adieu, tant pis, c'est la vie. Chaque nuit, je jouerai la comédie de l'amour à l'infini comme un défi. Et des gens, tu connais la perfidie, ils me condamneront sans pitié, je sais, c'est la vie. Oh, oh, oh, c'est la vie. Oh, tu pars, adieu, tant pis, c'est la vie. bientôt, au milieu de tes amis, tu renieras ton amour pour moi, c'est la vie. Fais claquer la porte comme un coup de feu, puisque partir c'est mourir un peu, c'est la vie. Adieu, tant pis, c'est la vie. La version alternative de C'est la vie, créée par votre serviteur, oui c'est moi, avec la bande musicale du groupe Emerson, Lake and Palmer, qui est sorti sur l'album Works Volume 1 pour eux, et sur l'album C'est la vie de Johnny Hallyday en 1977. À présent, voici un petit duo Johnny Hallyday et Elvis Presley. On va partir sur le titre de 1969 de Elvis, Suspicious Mind, et avec la voix de Johnny Hallyday en 1973, issue de l'album Insolitude. On part sur la base musicale de Elvis Presley. Petit à petit, et sans faire de bruit, une ombre s'est glissée entre nous. En prêtant d'amour et après tant de nuits, un doute est est entré sur la scène de ma vie dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui dormait dans mon cœur. J'étais un rock'n'roll man. J'étais un rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. J'étais un rock'n'roll man. Rock'n'roll, il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Ce rock'n'roll man. Ses cheveux noirs dans ses cachant presque ses yeux lorsqu'il chantait le rock'n'roll. Sur sa guitare écrite en lettres d'argent, il y avait son nom. Et rock'n'roll. Il avait dans les yeux l'ombre qu'avait laissé la misère de toute une enfance. Les bas-fonds de Memphis lui s'est échappé. Pour lui c'était la dernière chance. Il est un rock'n'roll man. Il est un rock'n'roll man. Et il chantait, il chantait le rock'n'roll. Ses cheveux noirs dans ses cachant presque ses yeux lorsqu'il chante. L'amour du rock'n'roll. J'ai chanté ses chansons et j'ai fait de ma vie comme sa vie une course folle. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Et c'est sa vie, et c'est ma vie de rock'n'roll man. Écrite par Tommy Brown, est une chanson interprétée par Sylvie Vartan et John Hallyday en 1974. Présente sur l'album Shang Shang Lang, Sylvie Vartan l'enregistre en anglais. La version de John Hallyday sur des paroles françaises de Michel Mallory ouvre l'album Rock and Slow. Vibrant hommage à Elvis Presley, le titre devient un classique du chanteur qui n'inscrit régulièrement à son tour de chant et la chanson de Sylvie Vartan est restée plus confidentielle. Le compositeur Tommy Brown enregistre également Rock and Roll Man dans sa version anglaise en 1975 sur l'album sobrement intitulé Tommy Brown. Et là, qu'est-ce qu'on a écouté ? On a écouté donc John Hallyday, la voix de John Hallyday sur l'album Rock and Slow, mais la version, l'instrumentale de la chanson Rock and Roll Man de Sylvie Vartan, extrait de son album Shang Shang Lang. Et on a rajouté, j'ai rajouté, hein, après avoir consulté quelques personnes qui vont se reconnaître, j'ai rajouté des cuivres, les cuivres de John Hallyday, de Rock and Roll Man sur ce titre-là qui manquait sérieusement, oui, de coffres. On va dire deux coffres. Voici John Hallyday en live avec John Fogerty et Bruce Springsteen. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le premier titre, c'est Fortunate Son, Fils de Personne, John Hayden et John Fogerty sur le thème de RIG. Je vous rappelle que tout ce que vous entendez, ce sont des duos virtuels. Ce n'est que du virtuel. Ça ne se trouve pas dans le commerce. Non, non, non, non. Y'a la crèche dans les pays de drapeau. On sent des hymnes militaires. Et quand la troupe défile sous leur carreau, ils se chantent l'âme guerrière. Pas moi, non pas moi, je ne suis pas né militaire. Pas moi, pas moi, je suis le fils de personne. C'est un bureau et toi, dans un immense ministère. Pas moi, non pas moi, je ne suis pas né fonctionnaire. Pas moi, pas moi, je suis le fils de personne. Johnny avait repris Fortunate Son sur son album Flagrant Délit en 1971. Extrait donc tiré du groupe The Creedence Clearwater Revival. Retrouvons Johnny Hallyday et Bruce Springsteen sur le thème du RIG. Johnny Hallyday avec la voix de 1979 sur Lucille. Ce soir, Lucille, maintenant il est trop tard. Antoine, c'est fini, je ne veux plus te revoir. Lucille, we gon' back when you belong. t'ai vu danser avec lui dans le noir. Yeah, my friends are better, but all in this one time. Lucille. Et quand il t'a remplacé. Titre de Lucha Richard, Lucy, interprété par Bruce Springsteen et John Hayden en concert live, en duo virtuel, je précise encore. Le prochain titre est le titre Tout m'enchaîne, Crying Shame. Il n'existe que deux versions de ce titre-là, celle du groupe The Greg Allman Band et de ses auteurs Steve Beckmeyer et Steve Berlin sur l'album de 1977 Playing Up a Storm, et celle de Johnny adaptée par Michel Mallory sur l'album Hollywood en 1979. On part sur la base musicale du Greg Allman Band. Sur les oreilles, vous écoutez Johnny de A à Z. tu vas trop loin. Arrête-toi et regarde un peu, tu verras combien sont malheureux. Ça t'est bien égal, tu ne fais que ce que tu veux. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber, c'est facile, lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Et tomber, c'est facile, lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. To do. Pass the music in your ear. Don't believe everything that you hear, 'cause your dream will disappear here in front of you. To Stumble par How the Good sur leur unique album nommé How the Good en 1972. Johnny en fera une cover sur son album Country Folk Rock en 1972 également. Et la base musicale est de How the Good, comme vous avez pu le remarquer. Et le prochain titre que je retrouve ma petite feuille, c'est marrant ça, à chaque fois que je m'égare dans mes fiches. Le prochain titre est un titre qui s'intitule Mais je reviens et I'm the only one, écrit par Gordon Mills et interprété par Cliff Richard and the Shadows en novembre 1963. Johnny reprend cette chanson, adaptée par Daniel Ortiz en 1964 sur l'album Le Pénitencier, et on part sur la base musicale de Cliff Richard. je suis tout seul. Ah, je suis tout seul au monde. Cependant, j'étais aimé de toi. Ah, je suis tout seul. Ah, je suis tout seul au monde. Fini le temps où tu étais à moi. You heard me say, upon that rainy day, please set me free. Cause I don't want to know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Mais je reviens. Oui, c'est moi, je suis là sur le chemin. Tout comme autrefois. I hope and pray that you come back someday. I've had my fun, now I'm the lonely one. Oh, yeah. Je suis tout seul, mais il me semble encore entendre au loin la voix qui m'appelait. Je suis tout seul, en cet endroit au bord du vieux chemin où tu me retrouvais. You heard me say, upon that rainy day, please set me free. Cause I don't want to know, well you don't know. How much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Mais je reviens. C'est moi que tu entends sur le chemin. Oh, chérie, je t'attends. I hope and pray that you come back someday. I've had my fun. Now I'm the lonely one. Ah oui, je reviens. Mais toi, tu ne viens pas. Yeah. Vous écoutez les duos impossibles, les duos virtuels réalisés par votre serviteur Eric, ouais c'est moi, ouais, sur RIG dans l'émission Jolie de A à Z. Oh, ça va très bien pour moi, je dors seul, mais j'ai pas froid, le plus dur est passé, j'ai un moral d'acier. Et si tu crois qu'aujourd'hui, quand je ne sais plus quoi faire de ma vie, t'as rien compris du tout. On s'habitue, c'est fou. J'suis pas mort de chagrin. Comment j'ai fait, j'en sais rien. Mais pourtant je sais très bien que vivre sans toi, qui vient et puis qui s'en va. Mais pendant ce temps-là, je ne pense pas à toi. Ça n'était pas dans mes habitudes de supporter cette solitude. Mais on se fait à tout, il faut bien, sinon on devient fou. Suis pas mort de chagrin. Quelquefois des nuits où j'ai le mal de toi. Il y a encore des jours qui traînent et qui n'en finissent pas. Chagrin, comment des fois où j'ai mal à la tête. Oui, j'ai trop bu, j'ai plus de cigarettes. J'ai des nouveaux amis qui s'appellent le blues et l'ennui. Je ne suis pas du genre vraiment fragile, mais j'ai fini par haïr cette ville. J'y mettrai bien le feu pour le voir danser dans tes yeux. Je suis pas mort de chagrin. John Hallyday sur la musique de Brian Cadd, Yesterday Dreams, chanson de Brian Cadd sur l'album Yesterday Dreams, sorti en 1978. Mais la première artiste à l'avoir interprété est Bonnie Tyler en mai 1978 sur son album Natural Force. Et la version française est adaptée par Michel Mallory sur l'album Pas Facile en 1981. Et en 81, Brian Cadd participait à la tournée d'hiver de Johnny au piano avec le Night Rider Band. Et là, c'est carrément une version maxi, une version longue que je vous ai proposée, car la version de Brian Cadd dure 4 minutes. Là, on a une version qui dure près de 5 minutes. Voilà. Attention, attention maintenant. Un des derniers montages que j'ai fait récemment, très récemment, c'est John Hallyday avec Claude François. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont pu chanter ensemble? La chanson Retiens la nuit. John Hallyday, en 1963, on le retrouvait à Amsterdam. Et Claude François, on le retrouvait sur un plateau de télé en 1966. Et il interprétait Retiens la nuit. Voici ce que ça fait, les deux rassemblés, les deux réunis. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit où nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour. Qu'elle fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle serait si belle. Retiens la nuit, mon amour, elle devient éternelle. Ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, se prend la détresse. En voyant ton bonheur, la peur en tous les joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit que sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton cœur. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. pour le bonheur de notre cœur. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. La nuit. Surprise, surprise. I'm gonna sit at night and cry for you. I'm gonna sit at night and cry. Qui interprète I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You en version live, la version de Bercy 1995 sur la base musicale d'une chanson de la reprise de Chris Isaak, extrait de l'album Beyond the Sun. Il reprend exactement aussi I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. C'est un morceau que je vous avais fait déjà écouter lors d'une émission Johnny de A à Z. On poursuit toujours dans ce thème des duos virtuels et des duos impossibles. C'est avec le titre Revoilà ma solitude, Sweet Music Man, Johnny Hallyday et Kenny Rogers sont en train de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Qu'est-ce qu'il m'arrive, mon cœur s'en va. I won't be there to hold your hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. Revoilà ma solitude. Comme une maladie ou comme un grand froid au fond de mon cœur, au bout de mes doigts, elle est là. Tu vas défaire tes cheveux. love song quite like you. Revoilà ma solitude. Une chaise vide et un lit trop grand. Ton livre ouvert, lui aussi t'attend. Elle me colle au cœur, elle ne s'en va pas. Quand l'amour se meurt, elle attend déjà. Elle est presque là. Sing your song, c'est plus humain. You're making your living doing one night stands that prove to you they don't need you. You're still a hell of a singer, but a broken man. But you'll keep on looking for one last thing. Nobody sings a love song quite like you do. And nobody else can make me sing along. Vous allez faire l'amour et puis tu seras bien dans ton oubli. Je te dois la solitude, merci. Revoilà ma solitude. I believe in you. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Il me reproche surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement mon amour. De t'aimer et follement tes jeux. What would people think? What if people knew? Instead of being off to school all day I was with you. Making love, making love. Making love, making love. Je pense à chaque instant. Mais mon cœur ne peut changer, il sera toujours vraiment content. Je t'aimais et follement mon amour. Making love, making love. Would people start to talk? Would people start to frown? If people knew the things we say, would it be overtown? Making love, making love. Making love, making love. Amoureux, rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse à t'aimer et follement l'amour, à t'aimer et follement tes jours. I don't care what they think, don't care what they do, I don't care what they care about, all I ever care about is you. Making love, making love, t'aimer et follement. T'aimer follement Making Love, la version originale date de 1959 par Floyd Robinson. La reprise de Johnny sera éditée un mois après celle d'Alida en 1960 et on était parti sur la base musicale de Floyd Robinson. Le prochain titre est un rock and roll chanté par Rodney Crowell à l'origine et qui opte pour ce Just Wanna Dance sur son album en 1981, éveillant la curiosité de Johnny dont l'adaptation réalisée en 1983 doit patienter 10 ans avant de paraître sur le coffret guitare. Voici Johnny Hallyday qui chante en solo, qui chante sur la musique donc de Rodney Crowley. Être dans le fond de l'ombre, il y a écrit par peur des garçons et à l'amour la vie. Qu'aimait-il à ces gens et toute la folie. Oh, les garçons déformés tout ont tombé. Je ne fais que passer. J'ai pas vu dans ta vie. Je suis là pour te faire danser. et marcher dans un jeu de coffret et danser. Tu vas en voir de toutes les couleurs, de toutes les douleurs. Des vendeurs de flimbeurs, de rêves en bougies. Et belle la saison, tu es prêt à toi. Il te voudra longtemps celui qui te veut ce soir. Je ne fais que passer. J'ai pas mis dans ta vie, je suis là pour te faire danser. Avec les Rolling Stones, Drift Away à double tour. Day after day, I'm more confused. Here to look for the light in the pouring rain. You know it's a game I hate to lose. Feeling the pain, taking the strain. Jour en jour, la vie est plus dure. Je sais bien pourquoi rien n'a changé. Le monde se vautre dans l'ordure. J'ai tant besoin de vous. Et pour l'oublier, donnez-moi une seule raison de croire, de ne pas rester le cœur verrouillé. Et donnez-moi une seule raison de croire, de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. For the joy you've given me. Ce que je peux dire, c'est qu'il est à vous. Rhythm and rhyme, harmony. J'ai besoin de vous. En mourir. So give it a beat, boy, and free my soul. I wanna get lost in the rock and roll. Donnez-moi une seule raison de croire, de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Give it a beat, boy, free my soul. I wanna get lost in a rock and roll. ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour terminer cette émission spéciale duo impossible et duo virtuel, Johnny a aidé en solo sur des bases musicales autres que les siennes et puis des duos variés, très variés. On retombe sur un duo avec un artiste fétiche à l'émission Johnny de A à Z et qu'on retrouve souvent, c'est Bob Seger avec Old Time Rock'n'Roll, avec Johnny Hallyday aussi, le bon temps du rock'n'roll surérigé dans l'émission Johnny de A à Z. passage de cette émission, les duos impossibles de Johnny Hallyday avec de nombreux artistes. Et je vous invite à réécouter cette émission en podcast qui sera posée d'ici demain ou d'ici vendredi. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté et d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission spéciale Toulouse 2000, le 2 et 3 juin, qui sortira donc le 23 mai. Et nous, l'émission, ce sera le 21 mai. Il y aura des invités, plein d'invités, mais vous en saurez un peu plus. Il suffit de suivre les réseaux. Bonne nuit à toutes et à tous, à très vite, ciao ciao.